spectacle. Vous êtes dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Marie-Laurence Audet nous rendra visite et nous apprendra que les loisirs, c'est bien plus qu'un jeu. Et on découvrira la nouvelle musique ensemble dans le poste d'écoute. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 12 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis va être de retour lundi à l'émission. On va être ensemble, vous et moi, pour faire plein de choses. Ensemble, on aime ça, une fois de temps en temps, pouvoir apprendre à se connaître tranquillement, pas vite. C'est vous, public, et moi, Mathieu Plante. Parmi nos chroniqueurs, en fait, aujourd'hui, on a juste une personne parce qu'on n'a pas Laurent Constantin, qui habituellement serait là à 7h30 pour sa chronique sur l'actualité internationale. Mais on va avoir à 8h Marie-Laurence Audet. Il est loisir bien plus qu'un jeu. Elle vient nous parler de tout ce qui est divertissement, tout ce qui est parascolaire. Si on veut. Donc ça, c'était à 8h. À 9h, normalement, Stéphanie nous ferait le poste d'écoute. Je vais le faire quand même et je vais vous faire entendre en fait le CD qu'elle a choisi pour le poste d'écoute. Elle nous a tout envoyé ça pour nous ce matin. Alors, on va aussi se faire quelques petits foutus palmarès, des listes absolument inutiles dans le milieu de l'émission. Et cette fois-ci, je vous ai trouvé des faits sur les dessins animés et les jeux vidéo. Donc, on va faire ça vers les 8h30. Mais on va débuter avec une édition bonus du poste d'écoute dans quelques instants. Et en fait, je pense que je suis pas capable d'attendre ben plus longtemps que ça. Hein. Je pense qu'on va pas mal faire ça tout de suite. C'est le poste d'écoute d'assemblage requis. Poste d'écoute et d'assemblage requis, dans laquelle on écoute un album de la discothèque de C'est Fou, un album qui vient tout juste d'arriver. Hein? Et je sais pertinemment que Stéphanie vous aurait parlé en temps normal de The Airborne Toxic Event. C'est ce qu'elle avait choisi juste avant d'arrêter son choix final sur autre chose qu'on va entendre dans la deuxième chronique en fin d'émission à 9h. Mais ça, elle l'a pas fait jouer parce que ça a déjà fait son entrée dans le palmarès. Et le but de Stéphanie dans le poste d'écoute, c'est toujours de nous faire découvrir quelque chose pour potentiellement mettre ça dans un futur palmarès. Et comme ça a déjà fait son entrée, ben elle voyait pas vraiment l'intérêt de le faire. Moi, les règles, je m'en fous. Donc, je vous en fais entendre quand même. Et c'était vraiment très bon quand on l'a entendu dans la plus récente édition des Palmarès C'est Fou. The Airborne Toxic Event, c'est un groupe américain de rock indépendant, originaire de Los Angeles, en Californie. Le nom du groupe provient d'une section du roman Bruit de fond de Don DeLillo. Eh ben, les membres du groupe sont Michael Jollett au chant, à la guitare et au clavier, Stephen Chen à la guitare et au clavier, Noah Harmon à la basse, Anna Bulbrook qui est alto au clavier, tambourin et chœur, et finalement Darren Taylor à la batterie et aux percussions. Ils ont trois albums à leur actif, en 2009 The Airborne Toxic Event, en 2011 All At Once et en 2013 Such Hot Blood. Leur plus récent s'appelle Dope Machines. Avec les singles Wrong et California. On va commencer justement. Si on pourrait entendre les deux singles pour commencer, à la place de faire jouer les 1, 2, 3, 4 dans l'ordre, on va y aller avec les deux singles. Tout à l'heure, California, mais débutons avec la première pièce qui ouvre l'album. C'est Wrong par The Airborne Toxic Event dans le poste d'écoute d'assemblage requis. One thing right. write about us living here in the shadow of this gathering dust as the waves build up and drown the light while we're hanging from buildings on a Saturday night. And the words she said I could barely hear over the blare of the speakers and the smell of beer. As she got up to speak, she lifted her dress. I remember her face, but I forget the rest. Here in California, I was just a name in the number, a face on a tumbler. Here in California, we are stuck in the same scene, all nightmares and daydreams. In California, she said, I got money, but I got no friends. As we drove through the valley in her daddy's Benz, she said these bills wear off, but the pain don't end. I never thought it would matter so much to pretend. And the thing about her that haunts me still, as her hands fell down to the steering wheel and a shock of light fell across her face. She said there's only two ways out of this place. Here in name in the number, a face on a tumbler. Here in California, we are stuck in the same scene, all nightmares and daydreams. In California. And oh, it hit me last night in this song I heard. I remember the feeling, but forget all the words. Here in California, I was just a name and a number, a face on a tumbler. Here in California, we are stuck in the same scene of nightmares and daydreams. In California, in California. Les deux singles de l'album Dope Machines par The Airborne Toxic Event. On vient d'entendre California, évidemment, ça le disait tout le long. Très bonne chanson, un petit peu plus, disons, pop que leur précédente qu'on a entendue juste avant, Wrong. Et ici, c'est l'extrait Wrong qu'on a choisi pour les Palmarès assez fous. C'est une nouvelle entrée en 19e place cette semaine, du 9 au 15 mars. Donc, The Airborne Toxic Event, on a parlé un petit peu d'eux tout à l'heure, disant que c'est un groupe de Californie, nommé en hommage d'une section du roman White Noise par Don DeLillo. Le groupe est connu pour son mélange de rock et de musique d'orchestre. Ils ont performé souvent avec le Calder Quartet, qui est un string quartet, un quatuor à cordes, basé à Los Angeles. Le groupe a aussi joué des concerts avec le Louisville Orchestra et le Colorado Symphony Orchestra. J'étais sur leur page Facebook et j'apprenais, premièrement, qu'ils ont sorti deux albums en même temps, Dope Machines en CD et un album numérique seulement, disponible sur leur site web, Songs of God and Whiskey. C'est sur theairborntoxicevent.com. Ça dit qu'une chanson peut tout changer sur leur Facebook. Pour The Airborne Toxic Event, c'est une chanson, une version a cappella du classique de Queen et David Bowie, Under Pressure. Quelqu'un l'a joué pour le guitariste Michael Jolette et ça lui a fait exploser le cerveau. Il a changé toute sa vie pour la musique, finalement. Il change son approche envers la musique. Voilà. Ils sont actifs depuis 2006. Ils sont passés par trois étiquettes. Ils ont commencé avec Major Domo de 2008 à 2009, ensuite Island de 2009 à 2014. Et présentement, ils sont sur Epic Records depuis 2014. Noah Harmon, qui a quitté le groupe entre-temps, il est en leave of absence, donc il quitte pour une sabbatique, si on veut. On va entendre deux autres extraits. D'habitude, quand c'est moi qui fais le poste d'écoute, je me casse pas la tête, je fais 1, 2, 3, 4. Là, on a joué les deux singles, qui est donc c'est la 1 et la 4. Là, on va entendre la 2. Et puis après ça, une pièce que j'ai retrouvée sur leur SoundCloud, qui est en vedette en ce moment, c'est Hell and Back. Donc, on va entendre ces deux-là. Ça donne à être la deuxième et la sixième de l'album. Donc, commençons par One More Thing, tout de suite, dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Cool. as long as I could possibly. My blind faith pushing me to my knees. I felt the warmth of a touch, and it made me believe, and I knew it well. I stood at the doorway hoping you might let me in. My head spinning round, my nerves jumping from my skin. I felt the stinging ragged cold of the devil's hot embrace, and I knew it well. And you took me to hell and back. How many times can I walk away from you? My mind's like a one-way track, and everyone is taking me back to you. And you tell me just one more time, and you're lying like you always do, and I know it will. Miles or more trying to keep you off my mind. I've knocked on a thousand doors, I'm sure, just to see what I might find. I slept in the arms of a fallen angel crying next to me, and I knew her well. And you took me to hell and back. How many times can I walk away from you? My mind's like a one-way track, and everyone is taking me back to you. And you tell me just one more time, and you're lying like you always do. And I'll give you just one more line, and there's nothing that I can do. And I'll do it just one more time, that I swear that I've been through. Yeah, I know it will. Born Toxic Event avec Helen Back, précédé de One More Thing. Fait intéressant sur la pièce qu'on vient d'entendre, Helen Back, ça a été composé pour la trame sonore du film Dallas Buyers Club en août 2013 avec une date limite qui approchait, donc une tight deadline. Il n'avait pas le choix de produire la pièce lui-même, Monsieur Michael, dont on a parlé tantôt. C'est sa première fois et il a vraiment aimé ça, ça n'a pas arrêté là. Il a lui-même produit le quatrième album complet de Airborne Toxic Event, Dope Machines, qu'on est en train d'écouter ce matin. C'est lui qui l'a composé. Donc voilà, The Airborne Toxic Event, Dope Machines, c'est super super bon, j'aime beaucoup. Et ça a fait son entrée sur le palmarès avec la pièce Wrong cette semaine. On va voir, c'est tout pour le poste d'écoute pour cette fois-ci, hein? Merci d'avoir écouté, voilà. Je viens d'apprendre qu'on n'aura pas Marie-Laurence Audet finalement, je viens juste de l'apprendre, donc on va se faire d'autres postes d'écoute tantôt, parce que Colin, c'est ce qu'on aime faire, découvrir de la nouvelle musique une fois de temps en temps. On va peut-être découvrir quelque chose de plus francophone tantôt. Mais pour l'instant, on prend une petite pause à Assemblage Requis. On se retrouve dans quelques instants avec, entre autres, dans la prochaine portion de l'émission, du son foutu palmarès. Je pense que je vais étendre du son foutu palmarès tout le long de l'émission à la place. C'est plus simple. Revenez-nous dans deux minutes. En fait, partez juste pas. Plus simple. Fou de passion. C'est fou, 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. retour, vous êtes à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis va être de retour lundi. Il est 8h01 en ce jeudi matin, 12 mars 2015. Vous savez quoi, tantôt, on va se faire une petite liste dans son foutu palmarès de règlements que Chuck, Monsieur Chuck, vous connaissez Chuck, Chuck Jones, hein? Qui a travaillé sur Roadrunner, entre autres. Donc, les règles de l'animation de Chuck Jones dans quelques instants, mais avant ça, une autre petite pièce musicale. On va jouer beaucoup de musique aujourd'hui, étant donné que je suis tout seul, que mes chroniqueurs ne sont malheureusement pas présents. Donc, on va entendre des pièces qu'on n'a pas jouées hier au Palmarès si fou. Si vous étiez avec nous, on a sauté quelques pièces et je me suis dit que ça pourrait être bien de les entendre. Écoutons donc la 19e position du côté francophone, Summerland, encore loin de toi. Et après ça, on se fait quelques sons foutus palmarès. Sur C'est fou, 89 FM. Encore loin de toi, Assemblage Requis, c'est sur le palmarès francophone. Maintenant, on va lister des choses dans un ordre vraiment pas du tout précis. Voici son foutu palmarès. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet bien précis, mais dans un ordre très approximatif. Et cette fois-ci, je vous parle des règles de Chuck Jones pour écrire les dessins animés de Roadrunner. Il y a un tweet du réalisateur Amos Posner qui a fait exploser les réseaux sociaux récemment. C'est une photo d'une exposition du musée, du Museum of Moving Image à New York, qui s'appelle What's Up Doc? The Animation Art of Chuck Jones. Et c'était des règles par rapport à l'animation, et les gens ont vraiment aimé ça sur Internet. Donc ces règles-là, qui ont été rendues publiques lorsqu'il les a publiées dans son livre, son autobiographie de 1999, Chuck Amok, The Life and Times of an Animated Cartoonist, sont quand même familières pour les étudiants en animation et les fans de Roadrunner et Wile E. Coyote. C'est vraiment super fascinant. Et dans une entrevue pour le livre Hollywood Cartoons, American Animation in its Golden Age, Michael Maltese, qui a écrit, qui a travaillé en fait avec Jones et pour Jones pour la série Roadrunner, a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de ces règles-là lui-même, et pourtant il a travaillé pour M. Jones. Donc on va se faire la petite liste, une version plus longue que celle qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, là. Un petit peu plus détaillée. Donc on va se faire ça tout de suite. Attention, règle numéro 1 des dessins animés de Chuck Jones. Le Roadrunner ne peut pas blesser le coyote excepté par sa phrase « meep meep ». C'est tout ce qu'il peut faire. C'est quand même bien. Deuxième, aucune force externe ou extérieure ne peut blesser le coyote, seulement sa propre incapacité, son inaptitude, donc les échecs des produits Acme, mais c'est tout ce qui peut blesser le coyote. Évidemment, les trains et les camions qui ont été l'exception une fois de temps en temps pour rendre ça quand même un petit peu plus drôle. Ensuite, numéro 3, le coyote pourrait arrêter n'importe quand. Il n'était pas un fanatique, il n'était pas obsédé par le Roadrunner. Il aurait pu arrêter n'importe quand, un peu comme un fumeur peut arrêter de fumer quand il veut. C'est bon. Numéro 4, aucun dialogue, jamais, sauf pour le meep-meep et les cris de douleur. C'est un principe, aucun dialogue. Quand on voit quelque chose, quand il y a des phrases, c'est sur des pancartes. Parce qu'on n'a pas le droit de parler. Évidemment, ça, c'est une règle qui ne s'appliquait pas à la version en français où t'avais un doubleur qui doublait les phrases à la place de réécrire les phrases dans le dessin animé. Numéro 5, le Roadrunner doit rester sur la route pour la raison que c'est un Roadrunner. Il court sur des routes, celle dans le nom. Numéro 6, toutes les actions doivent se passer dans l'environnement naturel des deux personnages, donc le désert du sud-ouest américain. C'est le seul endroit pas loin de voyager. Il n'y a pas d'épisode spécial dans l'espace. Il n'y a pas d'épisode spécial sur un bateau. Ça se passe dans un désert, c'est tout. Numéro 7 des règles des dessins animés Roadrunner de Chuck Jones. Tous les outils, les armes et les trucs mécaniques doivent être achetés directement de la corporation Acme. T'as pas le choix. C'est le seul fournisseur du Roadrunner et de Wile E. Coyote. Numéro 8, lorsque possible, faire de la gravité le plus grand ennemi du coyote. Je pense que ça, c'est un classique et les fans de Roadrunner, c'est leur moment préféré à chaque fois quand le coyote arrive au bout d'un précipice. Fait comme, ah ben, Colin, il les regarde en bas. Ah ben ouais, je vais tomber. c'est parfait. C'est super immature, mais c'est tellement parfait. Numéro 9, le coyote est toujours plus humilié que blessé par ses échecs. On l'a vu, quand il y a une dynamite qui explose, il y a juste un petit peu de gris, de noir sur le bout du nez, c'est pas trop grave, c'est vraiment plus l'humiliation d'avoir vu, de s'être fait exploser ça en pleine face. Numéro 10, la sympathie du public doit rester avec le coyote. Il faut toujours se soucier du coyote, le Roadrunner qui lui court, on l'aime pas. On veut que le coyote l'attrape, t'sais. Et c'est prouvé, entre autres, à la fin de la... Il y a un épisode, à un moment donné, j'ai déjà parlé de ça dans une précédente chronique, qu'à un moment donné, il attrape vraiment le Roadrunner. Puis là, il y a une pancarte qui dit « OK, bon, je l'ai enfin attrapé, les fins finaux, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? » Et numéro 11, le coyote n'a pas le droit d'attraper ou de manger le Roadrunner. Ben, c'est justement la chose, il l'a attrapé, mais en fait, du coup, il n'y a pas de punch, ça se termine là-dessus. Il n'y a pas de... il n'y a rien d'autre. C'est comme ça. Non, ce sont les 11 règles, parce que lui, monsieur Chuck Jones, ne suit pas toutes les règles, dont le fait de faire un top avec un chiffre rond, là, il en a fait 11. T'sais. Donc, c'était les règles des dessins animés de Chuck Jones pour Roadrunner. Voilà pour ce foutu palmarès. C'était court, c'était rapide. On va en faire d'autres tantôt. Sur les dessins animés, j'ai entre autres un palmarès sur Beavis and Butthead et un sur Mario, les jeux vidéo de Mario. Ça va être très le fun. On va aussi se faire d'autres postes d'écoute tantôt. Un en francophone s'en vient dans quelques instants. Mais avant ça, comme j'ai dit tantôt, on écoute des pièces qu'on a sautées dans la plus récente édition des palmarès. C'est fou. On avait dû sauter Fontarabie. Très très bonne pièce qui est en position numéro 18 du palmarès francophone. Voici, c'est Vent Blanc sur C'est fou. FM. Tarabie et Vent Blanc à Assemblage Requis. Alors, on continue avec un autre poste d'écoute. Et c'est le poste d'écoute d'Assemblage Requis, deuxième de trois pour aujourd'hui. Et cette fois-ci, je me suis dit qu'on allait entendre un petit peu de francophone. C'est bon, une fois de temps en temps, du francophone. Et en ce moment, tout est pas mal vieux sur le palmarès francophone. Il n'y a pas grand-chose qui m'attirait tant que ça dans ce qui est jeune. Entre autres, Huit Clos, j'aime pas ça tant que ça. Mastic non plus, Fauve. Pas des affaires qui me touchent tant que ça. Mais par contre, si on recule un petit peu, quelque chose qui est là depuis 4 semaines, c'est la pièce L'essence de Lubic. Et on avait eu un extrait qui s'appelait Laisse-toi aller avant de Lubic. Laisse-toi aller, c'est le nom de la pièce, puis avant, comme dans précédemment, de Lubic. Et j'avais vraiment adoré la pièce Laisse-toi aller. Donc je me dis, on pourrait en entendre d'autres, ça pourrait faire plaisir. Né de différences, Alors, on recommence ça, notre prise de vue. Né de diverses influences musicales, Lubic a vu le jour en 2010. Alexandre Picard, Jean-Sébastien Trudel, Christian Frenette et Michael Nau partagent le désir de voir leur public vivre une expérience festive hors du commun avec un spectacle résolument rock. Le groupe impressionne par son naturel et sa synchronicité et attire l'attention avec des textes entraînants et une énergie contagieuse. C'est d'abord grâce à cette énergie sur scène qu'ils ont pu attirer l'attention d'un public dans leur région natale de l'Abitibi-Témiscamingue. Leur premier spectacle a été présenté plus d'une trentaine de fois à travers la région, entre autres lors de plusieurs événements d'envergure tels que le Festival de musique émergente, le Festival de musique internationale, etc. Leur participation à plusieurs concours leur a également permis de se démarquer, d'abord en remportant le concours Band de garage qui les a menés à performer à l'émission Bel et Bum à Télé-Québec, puis lors du Frima où ils ont remporté le prix du public et le prix du jury. En 2014, leur passage au Festival d'Élie Fortin a confirmé les faits, alors qu'ils y ont remporté trois prix, le prix du public, le prix du jury et la chanson primée Socan. Depuis, ils ont eu la chance de se produire dans le cadre des Francophonies de Montréal et prochainement lors du coup de cœur francophone où ils lanceront leur premier album Jusqu'au bout, enregistré par Pierre Rémillard au réputé Wild Studio au cœur de la forêt lanaudoise. La combinaison d'un son distorsionné et brut et à des mélodies accrocheuses et convaincantes, nous disent-ils, assurément leurs pièces résonneront avec force à travers la province dans les mois à venir. Voilà, donc influence les Delaware Chuck, Rage Against the Machine, Truck Fighters, Gros Méné, Man Man, Alice in Chains, Majub, Carquois, Vulgar Machin, Map, Mute, Jean Leloup, Grimmskunk, NoFX, Protest the Hero, Queen of the Stone Age, Red Fang, Them Crooked Vultures, Les Colocs, Black Sabbath et Monsieur Richard Desjardins. Non, ça c'est pas Monsieur Richard Desjardins, c'est clairement l'artiste M, virgule, Richard Desjardins. C'est quand même. Spectacle à venir pour eux. Ils vont être le 27 mars avec Galaxy aux Nuits FEQ FEC à l'Impérial de Québec. Le 28 mars avec Gasoline au 4 Barils de Jonquière. Le 2 avril avec ça va être pour Ligue Rock 4 au Divan Orange à Montréal. Ensuite, le 3 avril aux Haricots de Zadia 5. 4 avril à l'Albion de Joliette et le 18 juin au Club Soda de Montréal. Ça commence à s'empiler les spectacles pour Lubic. On va commencer, étant donné que l'extrait qui présentement est L'essence joue quand même pas mal sur le palmarès en ce moment, ça a beaucoup monté. On va retourner à leur premier extrait, Laisse-toi aller, que j'adorais. Et après ça, on enchaînera avec Cowboys. Voici Lubic et l'album Jusqu'au bout sur C'est fou, dans vos oreilles. We'll be right back. le poste d'écoute. C'était Cowboy par Lubick, précédé de la pièce Laisse toi aller, qui était précédemment dans les palmarès. C'était cet automne. On adorait cette pièce-là. C'est toujours en poste d'écoute. On écoute Lubick. Et j'ai envie de passer déjà à un autre bloc de Lubick, mais le temps de vous dire que la pièce qu'on va entendre pour débuter, Lucy, qui leur a permis de remporter le concours Band de Garage à l'émission Belle et Bande de Télé-Québec en 2013. Et donc, quand même. Et donc, c'est leur premier album qu'on est en train d'écouter, qui est sorti sur l'étiquette 117 Records, ou 117 Records. C'est plusieurs personnes des disques 7e ciel qui se destinent au hip-hop. C'est les premiers à sortir un album avec 117 Records, et ils vont fesser aussi fort, croit Alexandre Picard. Donc Lubick, ça va être le dernier extrait pour l'instant. Donc on écoute, c'est Lucy, tout de suite, au 89 FM. We'll be right back. Merci de Lubic sur l'album Jusqu'au bout. C'est dans le poste d'écoute. Je sais que l'album est sorti en novembre, mais c'est une francophone, puis ça me tentait d'en entendre. J'aimais bien leur premier extrait de Lubic. Donc Jusqu'au bout, allez voir Lubic à lubica.bandcamp.com. C'est trop le poste d'écoute. On va en faire un autre, mais un vrai tantôt, un vrai de la part de Stéphanie Paradis qui nous a envoyé ça à distance. Son poste d'écoute s'en vient à 9h environ, dans un peu plus d'une demi-heure. Mais pour l'instant, on va prendre la pause et au retour, Justine Renaud va être là avec Justine Pertine dans quelques instants. Yeah! Fou de changement. Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce jeudi 12 mars 2015. Mathieu Plante, c'est moi, Stéphanie Paradis va être de retour lundi. Avant de passer à Justine Renaud et Justine Pertine, une petite pièce du palmarès anglophone qu'on a sauté hier. C'est en position numéro 11. On y va avec Spoon River et Slippery Footed Man. Et on revient avec Justine juste après. We'll be right back. Slippery-Footed Man à Assemblage Requis. Je pense que ça fait l'unanimité dans le studio, l'unanimité étant moi-même et Justine Renaud. Salut Justine. Bonjour Mathieu. Ça va? Ça va très bien toi? Oui, t'es tellement classe aujourd'hui. J'ai des cheveux la grosseur de Jupiter, ma foi. J'ai pogné le vent. Oui. Vent de moins 10 degrés Celsius là, dehors. Ah, ouais. Mais c'est correct. J'ai essayé quelque chose de nouveau. Je vais faire peur à une coupe de jambes. On devrait être pas pire. Ouais, on dirait que t'es passé, par... tu sais, une trappe d'égout, ça peut faire lever les jupes. Toi, qu'est-ce qui fait lever Jupiter, tes cheveux, tu sais? Oh, wow! Je sais pas. Ah, c'est loin. Ah, c'est loin. Marilyn Monroe, toi. Justine Renaud qui est là. Donc, Justine Renaud Monroe. Monroe. Voici Justine Pertine. Bonjour. Rebonjour nous, bonjour. Je sais pas, ça marche pas ce gag-là, ça marche pas partout. Plus jamais. Justine Renaud, Justine Pertine, à chaque fois qu'on se rencontre, tu nous parles d'un sujet qui a rapport avec la science, c'est ça? Oui. Et tu le rattaches à de la musique, tu sais? Je rattache ça à de la musique parce que souvent, ça arrive que des artistes sont inspirés par les phénomènes de la nature. Ben oui. Que ça se passe dans notre corps, en termes de biologie, en termes physique, la chimie. La météo, beaucoup. J'ai parlé de météo, j'ai parlé des ouragans. Les biscuits, là, aux fraises, fourrés, hein, c'est la météo. Ah, c'est bon. Ah, c'est un peu trash comme biscuit. Je trouve que c'est un peu le biscuit junkie de la gang. C'est très sucré. C'est très sucré. Directement dans les veines. Comme, ouais. Tu le fais chauffer sur une cuillère, là. Couteau, là, comme la drogue. Ah, bref, aujourd'hui, ton sujet m'enflamme. Oui, c'est le feu qui existe entre toi et moi, Mathieu. On va parler du feu. Feu qui est un phénomène très mécompris, en fait. J'ai appris énormément de choses en faisant ma recherche. J'ai appris pourquoi le feu fait de la lumière, hein, parce que c'est pas si évident de comprendre pourquoi il y a des flammes bleues, il y a des flammes rouges. C'est pas évident non plus de comprendre tous les éléments qui sont nécessaires pour créer un feu. Et aujourd'hui, j'ai essayé de vous résumer ça, mais je vous avertis d'avance, ma chronique est un peu longue. Fait que restez éveillés, là, prenez-vous un café, déroule le rebord, fais quelque chose. Déroule pas mon rebord. Je suis pas en jupe anyway. Je suis pas Marilyn Monroe, on l'a déjà passé ce sujet-là. Ton rebord t'appartient. Mon rebord m'appartient. Justine Rebord. Mon rebord, c'est pas le tien. Feu, joli feu, ta-da-da. Ton rebord me réjouit. Ça a plus rapport, là. Aucun. Non. Le feu, c'est quoi? Le feu, c'est la production d'une flamme et la dégradation visible d'un corps par une rapide réaction chimique exothermique d'oxydation appelée combustion. Attention, c'est à l'examen. La réaction chimique de la combustion a pour propriété de dégager de la lumière et de la chaleur. Ça, on sait bien, t'allumes une chandelle, t'es un peu sous au temple, tu te pitches les mains là-dedans, c'est pas une bonne idée, tu sais. C'est cette deuxième caractéristique de la chaleur hein, qui lui vaut le qualificatif d'exothermique. Exo, relâché. Thermique, chaleur, donc qui relâche la chaleur, et qui est à l'opposé, dans le fond, des réactions endothermiques qui, elles, plutôt vont absorber de la chaleur. Fait que, par nécessité, le feu émet de la chaleur, émet aussi de la lumière. La combustion, c'est aussi la dégradation visible d'une matière. Fait qu'on voit notre bûche dans le foyer qui va se dégrader tranquillement, pas vite. J'insiste aussi beaucoup sur le fait que cette réaction d'oxydation est très, très rapide, car il faut comprendre que certaines réactions d'oxydation existent sans feu. Par exemple, la digestion. Hein? Ça serait pas chic qu'un feu dans l'estomac. Bonjour les médicaments contre les brûlures d'estomac. Roll-Aid, s'il vous plaît. Parfois, quand la combustion est très, très vive, une explosion a lieu. Hein? C'est que le front de la flamme dépasse la vitesse du son. Souvent, on va voir dans les films, ils essaient de le refaire. On voit la déflagration, dans le fond, les personnes qui penchent, les personnes qui tombent littéralement ou qui sont propulsées parce qu'on ne voit pas. Puis ensuite, on l'entend. Oui. On entend par la suite le son de la déflagration, le son de l'explosion. Donc, dans un film, quand on voit la flamme qui explose, on entend le son, puis après ça, la personne se pitch, mettons. Là, la personne se pitch, puis après ça, on entend le son. Mais tout ça, c'est fait en régie post-montage. Ah, okay. Ils vont comme éditer pour mettre le son après. C'est donc pas réaliste. C'est réaliste, mais c'est refait. OK, je comprends. Ils peuvent pas se permettre de faire une vraie explosion. On a beau avoir des budgets, mais c'est un peu dangereux. Oui, OK. C'est ça. Je saisis. Tu saisis. C'est de côté. Oh, t'es un petit steak bleu. Oui, je prends ça, semelle de botte. Ah, pas moi. Moi, je le prends saignant, borderline, medium saignant. Moi, je préfère le comme trois quarts saignant. Mais c'est ça, l'échelle de la saignitude, je la comprends comme pas trop. Ben, medium, c'est 1 sur 2, mettons, saignant. Moi, je préfère le trois quarts saignant, comme un peu plus saignant que medium saignant, mais pas saignant. Bleu, tartare, moi, j'ai pas de problème. En tout cas, on peut-tu parler Puis ton enseignant, tu le prends comment? Ton enseignant. Une blague de professeur, mettons. Ton enseignant. Tu le prends-tu mon enseignant, toi, ouais. Mon Moses. Eh, maudit. Je suis pas assez réveillée le matin, mais pourtant, je suis réveillée depuis 6 heures le matin, donc je suis super speedée, mais j'ai pas eu mon café. Non, moi, ça me prend deux fois l'explication de chaque affaire que tu vas expliquer aujourd'hui pour que je saisisse ça. Tu peux voir jusqu'à maintenant, faut me le répéter. OK, mais on va être ici jusqu'à demain matin, s'il faut que je te l'explique deux fois. OK, je vais faire semblant de comprendre la place. C'est bon, ça? Non, c'est pas. Oui. Pour avoir un feu, tu sais qu'est-ce qu'il faut, Mathieu? C'est un test, là. Pour avoir du feu, qu'est-ce qu'il faut? De la friction entre deux objets, peut-être? Je sais pas. Non? Ben pour le bâton de bois, là. Non? T'es pas loin. Ça serait un élément, ça serait la chaleur. Hein? OK. Oui, la chaleur qui se produit quand tu frottes deux affaires ensemble. Okay. Puis deux affaires ensemble, c'est quoi les deux affaires que t'aurais besoin? L'air. L'air, c'est un bon point. Ça, c'est le comburant. Et on a aussi besoin du combustible qui serait tes deux petits bâtons de bois. OK. Parce que quand il y a un feu, tu peux le couvrir de quelque chose, ça va l'empêcher de vivre, c'est ça? Exactement. Okay, je comprends. Exactement. Donc, c'est nécessaire d'avoir le comburant. Souvent, c'est l'oxygène dans l'air. Avoir un combustible, bien entendu, que ce soit du bois, que ce soit même de l'alcool, la cire d'une chandelle. Et il faut aussi un quatrième élément. Un pet. Non, c'est ouais, c'était facile, ça. Le quatrième élément, vous ne l'avez pas appris dans vos cours de scout. Hein? On comprend tout le temps les trois éléments du triangle du feu, de fire triangle. Oh! Moi, des formes, là. Hein? Ouais. Ouais. Ouais. Il faut la réaction en chaîne. Ça, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Si on vient un peu à nos trois premiers éléments, un combustible, ça peut prendre la forme d'un solide donnant des braises, charbon, bois, papier, carton, tissu, PVC, etc., okay. Apparemment. Hein, les etc. sont de très bons combustibles. Un liquide ou un solide liquifiable aussi, ça peut faire la job, comme l'essence, l'huile, kérosène, etc. Un gaz naturel, butane, tout à l'heure, tu sais, quand t'as dit un pet, ouais, t'es pas loin. Proche. Mais ça, c'est d'un combustible. Butane, propane, méthane, mais même du dihydrogène. Donc, les véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène utilisent le dihydrogène pour faire une combustion dans le moteur. Ou encore d'un métal, fer, aluminium, sodium, magnésium, etc. Comme genre, vous prenez une Centrum, là. Oui, Centrum complet, là, mettez ça en feu, là. Puis c'est le Trois-Rivières Metal Fest en fin de semaine, fait qu'il y a plein de métal, là. Fait que vous voulez partir un feu. Faites attention, pas trop de chaleur. Faut pas qu'il annonce trop chaud en fin de semaine. Le comburant est habituellement l'oxygène dans l'air ambiant. Hein? Comburant, c'est la chose qui va comburer, qui fait la réaction d'oxydation, qu'on appelle justement dioxygène. L'oxygène dans l'air, on l'appelle dioxygène parce qu'il est un diatome d'oxygène. Hein? Tu sais, quand on dit l'oxygène dans l'air, c'est pas genre un monooxygène, c'est pas un atome tout seul, hein? Il est tout le temps en paire. Mmh. Ça peut être aussi de l'ozone, que ça, c'est de l'O3, donc trois oxygènes. Ça peut être des peroxydes, des persulfates, des chlorides, chlorates, perchlorates, un paquet d'autres composés oxydés. Mais aussi des nitrates, pas comme dans votre jambon, mais plutôt genre la nitroglycérine. Faites attention, votre jambon va pas... Il y en a pas de danger. Votre jambon dans le... Votre crisper dans le... Votre frigo, il va pas prendre en feu. C'est votre jambé, vous ça. Jambé, on sait pas. Non, moi, je pense que oui, mais en tout cas. Peut-être. Parfois, le comburant contient même pas d'atomes d'oxygène, comme c'est le cas pour les comburants halogénés tels le dichlore, le difluor et le dibrome, hein? Troisième élément, la chaleur. Le premier que tu m'as nommé, celui qui provient entre autres de la friction, mais de n'importe quelle source de chaleur, en fait, c'est le troisième élément essentiel pour créer un feu. La chaleur est nécessaire pour atteindre l'énergie nécessaire pour démarrer la réaction. Parce qu'il faut qu'on la starte, hein? faut la booster, la réaction. Ouais. C'est-à-dire pour atteindre le point éclair. Souvent, on va entendre le terme point éclair. C'est le point éclair du duo comburant-combustible. Il y en a qui sont aussi bas que 37 degrés Celsius. Par exemple, l'éther ne prend que 37 degrés Celsius, c'est-à-dire la température du corps pour pogner en feu contact de l'oxygène. C'est si violent que ça. C'est dangereux. Il y a des réactions de même qui se font à tous les jours à l'UQTR dans les laboratoires de chimie. Contrôlés, évidemment, et dans une hotte chimique qu'on peut fermer pour enlever l'oxygène si jamais il y a quoi que ce soit. Wow. Par la suite, c'est la chaleur qui est produite par la réaction même qui sert à maintenir l'énergie du système élevée, permettant le feu de perdurer. Si la chaleur n'était pas nécessaire, donc que le point éclair de tout mix comburant-combustible était super bas, on entrerait en combustion spontanée à tout moment. Là. La bouteille de Jack Daniels pognerait en feu dans nos mains, l'essence s'enflammerait avant qu'on la mette dans notre auto. C'est pas idéal comme monde. Hein? Non, on veut pas ça. Finalement, je vous ai parlé de la réaction en chaîne. C'est ce dernier élément qui est nécessaire qu'on a découvert il y a pas si longtemps que ça, dans les années 80 en fait. Ce qu'on veut dire par réaction en chaîne, c'est la capacité de la réaction à se renouveler constamment. La réaction qui produit le feu est en fait constituée de millions de petites réactions de combustion, une à la suite de l'autre. Si les réactions ne sont pas suffisamment rapprochées dans le temps, le feu meurt. Chaque réaction a besoin de la réaction précédente pour démarrer, dans le fond, par la libération de ce qu'on appelle des radicaux libres. Ce sont ces radicaux libres qui donnent cette nature de réaction en chaîne au feu. Fait que c'est un peu comme t'as un paquet de trappes à souris dans une pièce qui sont toutes activées. T'en pitches une dans la gang, puis toutes les autres vont se mettre à sauter une à la suite de l'autre. Mais s'il n'y a pas suffisamment de trappes à souris puis qu'ils sont pas assez proches, la réaction va arrêter parce que, dans le fond, là, c'est spatio, c'est pas spatio-temporel, là, c'est vraiment spatial. On ne sera pas capable de se rendre à la prochaine trappe à souris pour l'activer. C'est un peu comme les dominos aussi. C'est un peu comme les dominos. Si les dominos t'émettent trop loin, ouais, le feu, il pourra pas continuer. Okay. Là, déjà, si vous venez juste d'entrer en antenne, je suis pas en train de dire de faire des feux de dominos, là, mais essentiellement, c'était l'analogie, tu sais. Mettre était... le feu à une pizzeria de dominos, genre. Ouais, c'est ça. Faut que tu sois assez rapproché. T'en as un coin Sainte-Catherine, un autre coin. Je sais pas quoi. Pourquoi je suis à Montréal? Je sais ouais, pas. Pourquoi? J'ai la tête à Montréal. Ah, en tout cas. Là, on a dit tout ça, là, ces quatre éléments-là, mais à quoi ça sert? Ça implique quoi de savoir ces quatre éléments-là, ouais, à part d'avoir l'air intelligent? Who wants to be a millionaire? Ouais. A trillionaire? A fuckwillionaire? Bien, ça implique que pour éteindre un feu, il suffit d'enlever un des quatre éléments et le tour est joué. C'est terminé. Ben oui. On peut essayer de, premièrement, diminuer la part en combustible. C'est pas toujours possible. Genre, mettons, un char est en feu, t'essaies pas d'enlever le char. Ou le gaz. Ou le gaz. Avec une paille. Ben, c'est ça. En portant du coton. Ah ben oui. Une journée qui fait 30 degrés dehors. Ouais. Tu fais pas ça. Mais lorsqu'il s'agit d'un combustible gazeux, on peut tenter de fermer la valve qui contrôle l'apport en gaz. Oui. Ça, c'est un exemple. En deuxième lieu, on peut aussi essayer de diminuer l'apport en comburant, l'oxygène dans l'air souvent. Hein? Le plus facile, c'est de placer une couverture ou du sable sur un feu ou ouais, encore de fermer les fenêtres pour que l'oxygène s'épuise. Des fois, on voit les gens piler sur quelque chose aussi quand il y a de la braise à terre. Tu piles avec ton pied, genre, puis ça... Ça l'a pour propriété d'étouffer, oui. Ouais. Ça l'étouffe le feu parce que on va être... des fois, il faut faire attention parce que si on déplace l'air, on va être en train d'apporter plus d'oxygène. Donc, si, mettons, t'es en feu et tu te mets à rouler, tu sais, des fois, on voit dans les cascadeurs d'un film, mettons, tu sais, rouler à terre, ben ça va juste mettre plus d'air, non? On peut rouler. Je suis pas en train de dire de pas rouler. Il faut rouler, mais il faut pas rouler comme à une vive allure. Mais je pense pas qu'on roule assez vite pour déplacer l'air suffisamment pour apporter plus d'oxygène. En roulant, on est en train de, genre, d'enlever l'oxygène sur la partie où qu'on est comme sur le sol. On l'écrase, contre le sol. OK, je comprends. Exactement. Fait qu'on est en train d'enlever l'apport en oxygène. Un autre point concernant le comburant, c'est un peu plus compliqué. Si vous voulez éteindre un feu, vous pouvez aller dans l'espace en navette avec le feu et il va mourir. Tu t'appelles Barack Obama? Ouais, mais... Est-ce que je peux aller? Oui, c'est ça. Est-ce que je peux aller dans l'espace avec mon feu? Ben, dans une navette. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on peut éteindre un feu dans une navette? Attention, dans une navette, il y a de l'oxygène, là. C'est pas ça ouais, le problème. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de gravité. Okay, ah, c'est ça. Ça a rapport. Ça a rapport au fait qu'il n'y a pas de gravité. Incroyable. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le fond, il y a un phénomène de convection sur Terre qui dit que les gaz qui s'échappent du feu vont monter. Oui. Parce que l'oxygène est plus lourd que ces gaz-là. L'oxygène va descendre vers la source du feu. Comme un peu un four à convection, t'as comme, mais là, c'est pas exactement le même cas, là, mais t'as comme l'air froid qui va descendre, qui va se réchauffer et ensuite remonter. Dans le cas d'un feu, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'oxygène qui est plus lourd que les gaz émis par le feu vont redescendre et retourner alimenter le feu. Ça, c'est dû à la gravité, parce que l'oxygène est plus lourd. Dans l'espace, dans une navette où ce qu'il y a de l'oxygène, ce qui va arriver avec le feu, c'est que l'oxygène va juste comme rester en apesanteur, comme toutes les autres molécules, comme nous-mêmes. Si on était dans l'espace, parce qu'on a comme je sais pas combien de milliards de dollars. Bientôt, j'ai un savings fund pour ça. Là, moi, je m'en vais dans l'espace. Cool. Mais essentiellement, les molécules de gaz vont rester au pourtour du feu, ceux qui sont créés par le feu, et ça va éteindre le feu parce que l'oxygène n'est pas capable de se rendre au feu. Donc, gravité est aussi important. En troisième lieu, on pourrait penser à refroidir la réaction, hein? réduire sa chaleur. Souvent, on va le faire avec de l'eau ou de la neige carbonique dans les extincteurs. Si vous êtes l'hiver au Québec, pitch la neige dessus, ça fait job. Oui, oui. C'est de la neige carbonique qu'il y a dans les extincteurs de fumée. Certains extincteurs de fumée. Certains. Certains vont avoir de la neige carbonique, d'autres vont avoir une certaine poudre. Je vous en parle au prochain point, d'ailleurs. C'est la poudre qu'on appelle, dans certains cas, ça va être du halon. Oui, Justine. On peut essayer de prévenir la réaction en chaîne du feu à partir de certains extincteurs qui vont contenir une poudre spéciale qui va ralentir ou retarder la réaction de combustion. Comme je vous ai dit, le halon, c'est un produit qui se retrouve dans les extincteurs, par exemple, pour des types de feux sur lesquels on ne peut pas mettre ni d'eau ni de glace carbonique. Il y a des feux, comme par exemple des feux d'huile de cuisson, tu ne peux pas mettre de l'eau là-dessus parce que ça va juste comme créer beaucoup trop de chaleur là-dessus. Tu ne peux pas mettre ça sur des métaux non plus. Il y a des métaux qui réagissent avec l'eau. Il y a toutes sortes de contraintes, puis il faut vraiment lire notre extincteur, notre truc pour s'assurer qu'on est en train d'éteindre le feu avec la bonne affaire. Mmh. Dans certains cas, ça va être du halon. Le halon va retarder la réaction chimique qui ne pourra pas se renouveler. Ça, c'est notre analogie des trappes à souris. On est en train d'enlever des trappes à souris. On n'est plus capable de passer à la prochaine étape de la réaction. Mmh. Le feu va donc mourir. Ooh. Death to you. Dans la vie de tous les jours, comment comment le feu se déclenche-t-il? On le sait, il est souvent déclenché par une flamme et dash ou une étincelle et dash ou. Eux-mêmes déclenchés par une réaction chimique entre deux ou plusieurs corps. T'as parlé de la friction là, entre deux affaires. Là, souvent, à un moment donné, ça fait comme une petite étincelle, une petite flamme ou quelque chose. Ça, ce qui va arriver, c'est que sous l'effet de l'énergie d'activation, donc de la chaleur, grâce à la chaleur, le combustible se décompose juste un petit peu, juste assez. Le produit de cette décomposition est un gaz qui réagit avec le comburant. Le comburant, c'est souvent l'air. Ça veut dire que juste en créant une étincelle avec un combustible, on peut créer tous les éléments nécessaires pour avoir un feu. Ça veut donc dire que la chronologie de la création d'un feu de tous les jours, là, vraiment un feu normal, on parle pas des feux spéciaux dans des laboratoires ou trucs de même, ça débute avec une grande chaleur et un combustible générant une étincelle et donnant lieu à la production de notre troisième élément qui, en contact avec l'oxygène, va prendre en feu. Le quatrième élément, la réaction en chaîne, est en fait déterminé par les trois autres ingrédients. Ça, c'est le feu. C'est ça l'important. C'est pas simple. Non. Dis-moi que c'est pas simple. C'est pas très simple du tout. D'accord, c'est ça. Puis, au retour, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va écouter de la musique un petit peu pour décanter. Oui. Hein, pour laisser un peu reposer les braises de notre amour. OK, oh, c'est beau ça. Parce que moi, j'y allais plus sur laisser sortir l'air puis émettre... Point. T'es pas obligé de continuer ta phrase. Je sais qu'est-ce que tu veux qu'on émette ensemble. Un communiqué de presse. Vite! Pour diffusion immédiate. Alors, au retour, je vais vous parler très, très brièvement de pourquoi les feux donnent de la couleur et pourquoi les feux émettent de la lumière. Mais on va aller tout de suite écouter une superbe chanson de Candle, Play with Fire. Joue avec mon feu. C'est bien trop cute. Elle s'appelle Chandelle puis elle parle de feu. Chandelle. À Justine Pertine. Let everybody know. chances, but you don't even know if you have any. The fire's raging and we're not safe. Come on, let's save our soul. C'était The Fire avec Our Book and the Authors, un petit groupe québécois hein, qu'on adore. Ils vont être au 28 mars au Zénob à Trois-Rivières. Mais en 28 mars, ça sent bien ça. Ils sont excellents en spectacle, je vous le suggère fortement. Je veux dire, leur musique est d'un répertoire assez large pour que tout le monde apprécie. Avant ça, on a entendu Le Feu de Xavier Caffin, superbe chanson. Et avant ça, Play With Fire de Candle, chandelle, Candle, Play With Fire, que j'ai eu l'immense plaisir de voir en performance à Oceaga en 2012. Mm-hmm. Une autre Canadienne. Fait que c'est un trio canadien slash ben, québécois pour Xavier Caffin et Our Book and the Authors. Ce qui est aussi canadien, tu sais, exactement. Par le fait même. Ben ça, hein? Oui. Il y a d'autres personnes qui argumenteraient que non. Mais ça, c'est pas mon problème. C'est pas ma place à débattre cette question-là. Donc, parlant de date, t'as dit 28 mars au Zénob. Moi, oui. Tantôt, juste parce que je me sentais mal de l'avoir dit, là, on a fait une blague de Metal Fest tantôt par rapport au métal. Mm-hmm. C'est pas en fin de semaine-là, c'est l'autre après. J'suis c'est pas les 20 et 21 mars, sachez-le. 20 21 mars. Je me sentais mal. Encercler les dates. Ça, voilà. Puis le 28 mars 28 au Zénob. Mais ça. Oui. On parle de feu dans Juste une personne. On parle de feu. C'est pour ça que genre toutes les chansons ont rapport avec le feu. Je vous ai promis de vous expliquer un peu pourquoi les feux sont de différentes couleurs. Oui. Et pourquoi le feu émet de la lumière à la base. Hein? Mm-hmm. On va commencer par la première question. La première question est facile à répondre. Pourquoi le feu peut avoir plusieurs couleurs? Le feu peut avoir plusieurs couleurs dépendamment de la chaleur, OK? Dépendamment de l'énergie des électrons qu'il y a dans le feu. Les couleurs du feu peuvent varier selon, comme j'ai dit, la température, entre le jaune-rouge vers le bleu. Jaune-rouge, c'est à peu près 1000 degrés Celsius, hein? Comme un genre un midi à Miami. Et le bleu, c'est plus genre 2000 degrés Celsius. Hein? Mm-hmm. Entre les deux, là, on a une espèce de continuum. On peut avoir comme là, des flammes plus mauvâtres là, qui sont un peu entre les deux. Deuxième question. La lumière provient de quoi? Pourquoi qu'on a de la lumière? La lumière va provenir de la flamme, d'une part, par des échanges d'électrons entre les composés au cours de la réaction chimique. Fait que c'est les électrons qui sont en train de switcher de position, un peu en train de jouer à la chaise musicale dans le combustible même, au cours de la réaction chimique qui vont créer les couleurs que l'on connaît. D'autre part, on sait que tout corps, n'importe quel matériel qui est chauffé suffisamment à une température suffisamment élevée va rayonner. Donc, admettons que je te chauffe, toi, vraiment, en l'absence d'oxygène, en l'absence d'étincelles, en l'absence de n'importe quoi qui peut créer un feu, si je te chauffe assez chaud, tu vas quand même émettre de la lumière, tu vas être incandescent. Hein? Donc ça, c'est comme ça qu'on voit de la lumière à partir du feu. C'est ces deux principes-là. Les électrons et du fait qu'il y a des photons qui s'échappe quand il fait assez chaud. Il y a des feux qui peuvent avoir toutes sortes de températures. On a des feux très, très, très, très, très, très chauds jusqu'à 5000 degrés Celsius avec, disons, de l'oxydicyanoacétylène. C'était à l'examen. Je prenais ça en note. Mais, mettons, une torche à brûler, une torche pour les soudeurs, ça va être à peu près dans les alentours de 2200 200 degrés Celsius, donc une flamme bleue. Et une chandelle, c'est en comparaison à 1000 degrés Celsius. Une cigarette, 400 à 700 degrés Celsius, dépendamment de t'es rendu où dans le bout, puis si t'es en train d'aspirer une puff ou non. Voilà ce qui était pour le feu. Maintenant, il y a un autre niveau au feu. Là, là, je sais que je rentre dans le vraiment métaphysique, mais saviez-vous qu'il y a plus que trois états à la matière? Il n'y a pas juste solide, liquide, gaz. Okay. Il y a aussi plasma. Plasma. Plasma, ça, c'est l'état de la matière lorsqu'elle est chauffée à une température tellement, tellement grande que les électrons vont se mettre à bouger à une vitesse absolument hallucinante, vont se rentrer dedans et vont temporairement quitter leur atome. Ils vont carrément juste partir, lever les feutres, vont s'en aller comme genre « Ouh, tchou, bye! » Puis après ça, ils reviennent. Mais ça, ça se fait très, très, très transitoirement et ça donne un état qui est complètement désorganisé. Il y a beaucoup de feux qui sont suffisamment chauds pour donner cette, cet aspect-là à la matière. Donc, on a des feux qui sont de type, en partie, plasmatique. Et les plasmas possèdent des propriétés magnétiques et électriques qui sont complètement différentes du gaz, des liquides et des solides non ionisés. Donc, on peut faire avec des plasmas des tests avec des champs magnétiques. On peut faire bouger la flamme avec un champ magnétique. Fait qu'admettons qu'on exerce un champ magnétique à une chandelle qui est suffisamment chaude. C'est sûr que le champ magnétique il doit être très, très, très puissant. On peut faire pencher la chandelle d'un côté, carrément. La chandelle est sensible au champ magnétique. C'est assez fou, hein? Ouais. Faites le test à la maison si jamais vous avez un champ magnétique suffisamment puissant et une chandelle. Oui. Un champ magnétique. Ah, tu me magnétises avec ta voix. Charmant. Ouais. Et c'était ça pour le feu. Le feu, là, sérieusement, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures. Je vais dire que je t'écouterais en parler pendant des heures parce que c'était vraiment très intéressant, comme toujours. Mais en tout cas, moi, j'ai appris. Moi, je fais ça pour moi-même. Là. Je me suis vraiment plu. Les feux de l'amour. T'as eu du fun. Du fun. J'ai eu beaucoup de fun. Fantastique. C'était fantastique. Fabuleux. Feu, j'ai eu feu. C'est feu nul. Ce fut le fun. Ah, c'est bon ça. Merci. Ah, ça m'a fait plaisir. Justine Renaud, Justine Persine, on fait ça aux deux semaines. Oui, et je vous avertis tout de suite que dans deux semaines, j'ai dans le fond, j'ai un empêchement qui va faire en sorte que je vais probablement décaler vers l'avant. Dans le fond, la semaine prochaine, je vais probablement donner ma chronique au lieu de la semaine d'après. Donner ta chronique, c'est comme quand tu donnes un cours, ça. Je vais te donner ma chronique. Oui, je la donne. Comme façon de le dire. Ça. Oui, ouais. Je dispense de la matière, carrément. C'est ça que je fais? Oui! Hein? Toutes les sortes de matières, dans tous leurs états. Oui. Plasmatique, gazeux. Tellement hot. Liquide, solide. T'es vraiment solide. Ah, hot and solid. OK. Ça va faire. Là, voyons donc cette histoire. Ah, c'est. Justine Renaud, merci. Merci, Mathieu. Bonne journée. On va te pause au retour. Ça va être le vrai poste d'écoute de Stéphanie Paradis, mais sans Stéphanie Paradis. C'est ta assemblage requis dans deux instants. Fou de découverte. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage requis en ce jeudi 12 mars 2015. Il nous reste quelques instants, une vingtaine de minutes avant un génie en liberté qui s'en vient à 9h30. Mais avant ça, les jeudis en fin d'émission, Stéphanie Paradis habituellement nous prépare un poste d'écoute. Elle l'a préparé quand même si elle n'est pas avec nous en ce moment. Donc voici le poste d'écoute d'Assemblage requis. Et c'est le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Ici, c'est Mathieu Plante en remplacement de Stéphanie Paradis. Et aujourd'hui, on écoute White Lightning. Leur album s'appelle 1979 et en fait, c'est pas tellement un album plus qu'un maxi. Un maxi. C'est produit par Howard Raycott, qu'on connaît pour Mother Mother, Tegan and Sarah et Set the Well, trois projets qu'on adore et qu'on joue souvent ici à C'est Fou. Masterisation par Steve Hall, des Beach Boys, entre autres, et de Earth, Wind and Fire. C'est pas n'importe quoi. Donc, c'est le futur album de White Lightning, 1979. On appelle ça un mélange épique de funk des années 70 avec des sons modernes et des back vocals. On dit épais, thick background vocals. J'ai bien hâte de voir de quoi ça a l'air. Donc, commençons tout de suite avec la première pièce. C'est l'extrait titre 1979 de White Lightning. Dans le poste d'écoute. Love me and build it up again. Love me and build it up again. Love me. me and build it up again. Let me love you. We can make this love a home to live in. Build it up and find ourselves within. We can make this love a home to live in. Build it up and find ourselves within. And if one of these days the paint dries up and fades, we'll both stay, find a way, change what needs to be changed. Hold my hand now, baby, walk back to that day. We stopped and prayed, fought the fray, said what we needed to say. Hold me and build it up again. Love me and build it up again. Know me and build it up again. Let me love you. Hold me and build it up again. Love me and build it up again. Know me and build it up again. Let me love you. We can make this love a home to live in. Build it up and find ourselves within. We can make this love a home to live in. Build it up and find ourselves within. We can make this love a home to live in. Build it up and find ourselves within. We can make this love a home to live in. Build it up and find ourselves within. We can make this love a home to live in. White Lightning et Make This Love a Home, précédé de 1979, la pièce de leur maxi. À ne pas confondre White Lightning avec le groupe de rock psychédélique américain actif entre 68 et 71. C'est un autre groupe. White Lightning qui est basé à Edmonton. C'est un groupe de modern rock à trois personnes qu'on compare souvent à The Strokes, Casey and the Sunshine Band et Phoenix. Trois styles qui ne vont pas tellement ensemble, mais bon. Donc leur son est un mélange éclectique d'indie rock avec des influences de brit rock selon CBC Music. C'est des sons uniques. Ça a créé des enregistrements en studio et en direct devant public. Ils travaillent fort depuis 5 ans. Ils ont pris beaucoup de momentum sur la scène locale. Et depuis l'an dernier, le groupe a écrit un paquet de nouveaux matériels et enregistré un maxi avec, comme on l'a dit tantôt, le producteur de Tegan and Sarah, Mother Mother et Said the Whale, qui vient de sortir en mars 2015. Il y a beaucoup de buzz autour de leur spectacle devant public. Rempli de gazou, de poubelles, de beatbox et de performances musicales engageantes et beaucoup de danse, nous dit-on. Ils ont été nominés pour plusieurs prix. Ils ont gagné une bataille des bands. Ils ont joué avec des groupes comme Sublime, CCR et 10 Second Epic. Voilà pour White Lightning. Il nous reste deux autres pièces à entendre. Commençons par One Last Time, la pièce numéro 3. On y va dans l'ordre. C'est un maxi de 4 pièces, donc on va les écouter les 4. Pour l'instant, c'est White Lightning et One Last Time. Oh, are you gonna take this heart of mine? Or are we gonna make it one last time? Oh, one last time. Ooh. Up over again, bringing back all the memories. We won't forget the youngest place that we've known. It's all gonna take, take, take, take, take this heart of mine? Or are we gonna make, make, make, make, make it one last time? Or are you gonna take, take, take, take, take this heart of mine? Or are we gonna make, make, make, make, make it one last time? White Lightning et One Last Time, précédé de leur extrait. En fait, non, c'était le seul extrait qu'on a entendu dans ce bloc-là. On va entendre l'autre pour se quitter. On va entendre en fin d'émission la pièce Running for Love dans quelques instants. Le temps de vous dire que White Lightning se retrouve sur whitelightning.bandcamp.com. Si vous allez là en ce moment, vous allez pouvoir retrouver des covers, des versions refaites, entre autres de Alana Miles et Black Velvet et Ground Control de David Bowie, refait par White Lightning avec leur style particulier. Un groupe de Edmonton en Alberta, encore une fois, whitelightning.bandcamp.com. Et c'était le poste d'écoute d'Assemblage Requis, présenté par Stéphanie Paradis à distance. Voilà. Nous, ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui, pour la semaine. Ça, c'est la pièce avec laquelle on va se quitter. Il me semble c'était assez évident que ça allait arriver, caméra. C'est ici, voilà. Donc, on se retrouve lundi entre 6h30 et 9h30 pour une toute nouvelle édition d'Assemblage Requis. Stéphanie Paradis va être de retour. On va voir Olivier Lessard avec sa chronique Le Cours en passe et David Ferron avec les notes salées. Dans une heure et demie environ, le Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, Créateur de son. À 16h, Palmarès du monde avec David Ferron. 17h, le Mathieu Plante-Show avec Mathieu Plante. En rappel, à 19h, de la musique. Et à 21h, Radio Sonic, cifou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Dans quelques instants, ce sera Génie en liberté avec Samuel et Stéphanie. Donc, restez à l'écoute pour ça. Et comme je dis, on se quitte avec une autre pièce de White Lightning sur leur Maxi 1979. On aura écouté les quatre au complet. Ce sera Running for Love. On se quitte là-dessus et à lundi. Bye. Has already flown. Stand up. It's time to breathe again. Until you think you can find a way to step back. All this has been a blur. Hold strong to all that you have earned. Stop time and let emotion go.